Et nous parlions ici même hier après-midi du récent rapport du GIEC qui met en garde contre un emballement du réchauffement climatique à plus de 2 degrés. Vous nous écoutiez pour la plupart. Si les statistiques que l'on nous donne sont fiables via votre téléphone ou votre ordinateur, bref, sur un équipement numérique en podcast. Or, pour obtenir ce podcast hébergé sur un serveur de Radio France, l'acheminer jusqu'à votre téléphone, le lire, nous suivre sur Twitter, cliquer sur un certain nombre de liens, imaginez-vous seulement le montant de votre facture énergétique individuelle. Et c'est bien tout le problème du numérique qui représente aujourd'hui une part exponentielle de la consommation énergétique mondiale. Numérique, la fabrique à CO2.0, c'est le coûteux problème que nous allons décortiquer dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour relever les compteurs et présenter la facture, nos deux invités aujourd'hui sont Anne-Cécile Orgery, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Armorique à Rennes. Vous êtes chercheuse CNRS en informatique à l'IRISA, l'Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires. Et nous sommes ici depuis les studios de France Culture à la Maison de la Radio à Paris avec Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du think tank The Shift Project qui vient de publier un rapport sur l'impact environnemental du numérique. On va y revenir dans quelques instants. Vous pouvez nous suivre, donc comme d'habitude, en direct sur les ondes de France Culture, en différé ou en podcast, via votre téléphone, votre ordinateur, le site franceculture.fr et en même temps via Twitter, vous allez l'entendre, mais alors avec parcimonie tout de même, ne cliquez que sur les liens qui vous intéressent, c'est tout l'enjeu de notre discussion aujourd'hui, mais cliquez tout de même, ce sera passionnant en vous abonnant au compte @laméthodefc. Alors pour commencer, nous allons justement nous intéresser à ce rapport que votre association, Jean-Marc Jancovici, vient de publier le 4 octobre dernier, il y a 10 jours. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes allé à la rencontre d'Hugues Ferbeuf qui a dirigé le groupe de travail à l'origine de ce rapport. Oui, et ensemble, donc ce rapport, on le rappelle, il s'appelle « Pour une sobriété numérique ». Il a été publié il y a peu par le Shift Project. Et ensemble, donc, on a parlé des différentes façons d'analyser l'impact environnemental du numérique, aussi bien au moment de la production des outils que de leur utilisation. On a également évoqué l'accroissement de cet impact environnemental et les préconisations faites par le Shift Project pour ralentir la cadence de cette marche vers toujours plus de pollution liée au numérique. Le numérique consomme aujourd'hui une proportion significative de l'énergie mondiale, environ 5%. Mais plus préoccupant, le taux de croissance de cette consommation d'énergie par le numérique est de presque 10% par an. Et 10% par an, c'est énorme. Ça veut dire que ça double tous les 7 ou 8 ans. Et tout ceci à un moment où le monde doit s'engager dans une transition environnementale, mais qui doit forcément passer par une maîtrise de la consommation d'énergie, voire une réduction de cette consommation. Donc de ce point de vue-là, le numérique est à contre-courant en fait du mouvement général qu'il faut enclencher. Et donc la question est de savoir si il est raisonnable d'avoir ce taux de croissance. Notre conclusion est que non, ça n'est pas raisonnable, étant donné que nous pourrions avoir les mêmes bénéfices venant du numérique, en étant beaucoup plus sobre, c'est-à-dire en nous apprenant à nous servir mieux du numérique, on pourrait réduire la hausse de la consommation d'énergie à peu près 1% par an, qui serait déjà beaucoup plus maîtrisable. On peut également donc mesurer l'empreinte environnementale du numérique par la proportion des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, elle est de l'ordre de 3% des émissions mondiales, c'est-à-dire déjà plus que le transport aérien. Et en 2025, si nous ne faisons rien, je dirais, pour inverser le cours des choses, elle pourrait atteindre 8%, c'est-à-dire autant que l'ensemble des automobiles aujourd'hui dans le monde. Dans tous ces éléments qui composent le numérique, est-ce qu'il y a un élément qui pollue plus que l'autre ? La première chose à réaliser, elle est absolument contre-intuitive, c'est que à peu près la moitié de l'énergie consommée par le numérique vient de la production des équipements eux-mêmes. Ça, c'est une moyenne. En ce qui concerne un smartphone, on est plutôt aux alentours de 90%. Donc, ce qui a beaucoup d'impact sur la consommation énergétique du numérique, c'est d'abord la fréquence à laquelle on change ses équipements et ensuite le nombre d'équipements numériques que l'on possède. Il faut savoir que même si chacun d'eux est très petit, l'énergie consommée pour le produire n'est pas forcément, elle, très petite. La deuxième voie qu'il faut regarder, c'est quels sont les usages que l'on fait du numérique et essentiellement quels sont les usages que l'on fait d'Internet. À ce propos, il faut savoir que presque 80% des données qui transitent sur Internet transitent sous forme de vidéos. Or, beaucoup de ces vidéos n'ont pas forcément un intérêt ni social, ni culturel, ni économique évident. Et on pourrait sans doute diminuer par deux l'ensemble de ces flux, la société continuerait à fonctionner aussi bien et peut-être sans doute mieux. Donc si on arrive déjà à agir sur ces trois leviers, la fréquence de renouvellement des équipements, le contrôle du nombre de périphériques numériques que l'on a et notamment d'écrans que l'on a, et troisièmement maîtriser ses usages sur Internet et même si les forfaits mobiles aujourd'hui nous entraînent à consommer de plus en plus pour le même prix, il faut savoir que le prix à payer en termes d'impact énergétique et donc climatique n'est pas le même. Dans ce rapport, en conclusion, vous faites une série de préconisations. On a parlé essentiellement des préconisations auprès des utilisateurs, un appel à plus de sobriété, une forme de sobriété, de plus de responsabilité dans nos usages. Est-ce qu'il y a des préconisations également faites à des échelles politiques, par exemple, ou à l'échelle même des fabricants, des opérateurs? Quelles sont-elles, ces préconisations, si elles existent? Alors, nous avons développé deux séries de recommandations. Une première série qui est plus à l'attention des entreprises. Toutes les entreprises aujourd'hui font ce qu'on qualifie de transition numérique, ce qui veut dire que concrètement, elles s'équipent de nouveaux équipements numériques et elles substituent en fait un certain nombre d'interfaces physiques des interfaces numériques. Il faut absolument faire rentrer dans ces plans de transformation numérique la prise en compte de ces impacts environnementaux, au même titre que on fait rentrer en ligne de compte les coûts financiers liés à l'achat des équipements. Sur le politique, donc il va s'agir essentiellement de trouver des politiques publiques qui vont permettre de changer les modes de consommation vers plus de sobriété. Je précise bien qu'il ne s'agit pas d'arrêter de faire du numérique, je précise simplement qu'il s'agit d'arrêter la surconsommation numérique. Le deuxième chose importante, donc, c'est d'éviter qu'il y ait un renouvellement trop fréquent des équipements existants. Pour ça, il faut éviter l'obsolescence trop rapide, qu'elle soit ou non programmée. Alors ça passe en tout cas par deux choses. Ça passe par le fait d'obliger les producteurs de smartphones à avoir des modèles où les batteries sont extractibles. Des politiques plus extrêmes pourraient ensuite aboutir à peut-être à différencier l'accès à différents types de services sur Internet. Là, on rentre dans le débat sur la neutralité du net, bon, qui est encore beaucoup plus complexe que la simple composante environnementale. Mais il est clair que des modèles ouverts à tout vent, aujourd'hui certainement ne profitent pas à la planète et profitent surtout à la capitalisation des GAFA. Voilà un condensé un peu de ce rapport que votre think tank a produit, Jean-Marc Jancovici, ce rapport sur la sobriété numérique. Peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre, puisque vous êtes le co-élaborateur de ce rapport. Et puis je demanderai ses réactions également à Anne-Cécile Orgeret. Alors, quelques compléments, on va dire. L'association donc que j'ai créée en 2010, The Shift Project, a pour vocation de s'occuper de la question du changement climatique et plus précisément de ce qu'il faut faire pour essayer de mettre le processus sous contrôle. On aime bien s'attaquer à des trucs qui sont un peu compliqués, savoir comment est-ce qu'on va éviter l'obésité numérique et l'inflation dont on reparlera des émissions de gaz à effet de serre associées à nos usages, c'est un sujet compliqué. Et donc Hugues, qui a passé 30 ans comme manager dans le domaine des télécoms, donc c'est pas du tout un écolo chevelu qu'on a descendu de son arbre, hein, c'est, C'est je vous laisse cette image. Non, non, mais c'est, pour je pense que c'est votre collègue. Je pense que c'est important parce que bon nombre de vos confrères, pour mettre les pieds dans le plat, ont quand même tendance en général, quand il s'agit d'environnement, à passer la parole à des militants qu'on connaît surtout pour grimper dans les, pour grimper dans les arbres, etc. Donc on n'est pas du tout sur ce registre-là. Non pas qu'ils aient pas l'utilité. Hier, on avait un scientifique du GIEC et une juriste, donc vous voyez qu'on n'est pas tout à fait dans le l'image du tout. Oui, mais ça, c'est des gens qui décrivent le problème. Je pense qu'il y a beaucoup d'écologistes qui montent plus aux arbres aujourd'hui de partir. Là, c'est des gens qui décrivent le problème, c'est plus des gens qui militent pour une transformation derrière. Je les connais bien, les scientifiques qui s'occupent de science, en général, ils s'occupent, et c'est très bien, c'est ça leur rôle, de décrire le problème à traiter. Donc juste, je voulais quand même commenter en disant, Hugues, il a fait un travail qu'on peut qualifier de scientifique, c'est-à-dire que le rapport fait un état de l'art, on a fait quelques calculs, on en a tiré quelques ordres de grandeur qui sont quand même assez éclairants, me semble-t-il, et l'idée derrière, c'est une fois qu'on a posé ce problème sur la table, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'est bien ça l'idée, c'est bien dans l'ADN du Shift Project. Et puis on va entendre ce reportage que vous venez d'écouter, il est assez programmatique de l'ensemble des discussions qu'on va développer au cours de cette heure. J'aimerais votre réaction tout de même à ce rapport et à ce que vous venez d'entendre, Anne-Cécile Orgerie. Alors oui, le rapport effectivement est tout à fait scientifique et en effet, les personnes qui l'ont rédigé pour en connaître plusieurs ne descendent pas des arbres. Il va falloir arrêter, on va avoir des problèmes avec nos amis écologistes qui nous écoutent, qu'il faut aussi une action sur le terrain importante, donc arrêtons d'opposer. Voilà, c'est une démarche collective, un combat collectif. Allez-y. Tout à fait, mais c'est vrai qu'effectivement en informatique on a souvent tendance à opposer ceux qui sont contre l'informatique et ceux qui sont pour une sobriété numérique, alors que ce n'est pas ici l'objet du débat en effet. Donc ce rapport est effectivement très complet, il indique des ordres de grandeur très intéressants sur des données qu'on a du mal à avoir pour le grand public. Et qui, du coup, fixe les idées de manière très claire sur où est-ce que l'énergie est consommée dans l'Internet, dans le numérique. Ce qui est intéressant dans ce rapport, on va avoir le temps de le détailler, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que il est assez contre-intuitif dans le sens où aujourd'hui, on présente souvent le numérique comme un gain d'échelle, un gain d'énergie, une interruption du gaspillage. Or, ce que vous montrez dans ce rapport, c'est que c'est évidemment beaucoup plus complexe et qu'il faut nuancer ce sentiment que le numérique nous permet justement de consommer moins d'énergie, Jean-Marc Jancovici. Alors, je vais répondre sur deux plans. Le premier, c'est que quand vous regardez tous les domaines techniques, quels qu'ils soient, sur les deux derniers siècles, vous vous rendez compte que l'efficacité unitaire des usages a toujours été plus que contrebalancée par la multiplication des usages. Dit autrement, on sait faire aujourd'hui des voitures qui sont considérablement plus efficaces qu'il y a un siècle, juste il y en a un peu plus. On sait faire des frigos qui sont considérablement plus efficaces qu'il y a 50 ans, juste il y en a un peu plus. On sait faire des avions qui sont considérablement plus efficaces, etc. Le premier ordinateur qui a été mis au point par notre espèce, l'ENIAC, au début des années 50, il avait une puissance unitaire de 150 kW et 150 radiateurs électriques. Ça fait beaucoup. L'ordinateur portable qu'il y a dans ma mallette, il a une puissance de 20 ou 30 watts. Enfin, je veux dire, on est sur des ordres de grandeur qui n'ont plus rien à voir. Sauf que la consommation d'électricité de l'informatique, enfin, la consommation d'énergie, pardon, pas d'électricité, juste, du système informatique mondial, depuis cette époque-là, a quand même été multiplié par 450 000. Alors qu'on fait des objets beaucoup plus efficaces. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est pas propre à l'informatique ou c'est pas propre au numérique, c'est valable dans tous les domaines techniques qu'on peut observer partout. Après, en ce qui concerne le numérique, il y a quelque chose qui a véhiculé de manière intuitive, j'ai envie de dire, une idée complètement fausse, c'est ce mot magique de dématérialisation. Le fait qu'on ait employé, quand on passait au numérique, le mot de dématérialisation, évidemment, comme les gens sont pas complètement idiots, les mots ont un sens, donc si on dématérialise, c'est qu'il n'y a plus de matière. Bon. Donc avant il y avait une matière, il y avait une feuille de papier, après il n'y a plus de matière. Or c'est complètement faux, il y a de la matière. Pour faire un ordinateur, il faut aller faire des trous dans la terre, avoir une activité minière, de la métallurgie, de la chimie, il y a de la matière partout. Et ça c'est la première, j'ai envie de dire, c'est le premier effet pervers qu'il y a eu au mot dématérialisation, c'est qu'on dit si c'est dématérialisé, c'est que le problème n'existe plus. Et puis il y a un deuxième problème qui est venu se greffer là-dessus, toujours dans le jeu sur les mots, c'est que on a souvent accolé au numérique l'adjectif intelligent. Alors en anglais, smart, smart machin, smart city, smart IT, smart bidule. Or, si vous êtes smart, vous pouvez pas être stupide. Or, si vous accroissez les problèmes environnementaux, vous êtes stupide. Donc, si vous êtes smart, c'est que vous n'y contribuez pas. Donc là aussi, il y a eu un deuxième, effet de style, je pourrais presque dire, ou un effet psychologique insidieux, qui est que à partir du moment où avec le numérique vous mettez de l'intelligence, ça ne peut pas avoir des effets indésirables, puisque si vous êtes intelligent, c'est que vous savez vous en prémunir. Voilà, donc. Anne-Cécile Orgery, c'est vrai qu'il faut peut-être préciser. On va redonner des chiffres, hein, mais pour conclure cette première partie vraiment sur le rapport en tant que tel, on peut rappeler par exemple dans la lignée de ce que vient de dire Jean-Marc Moscovici que les batteries qui durent de plus en plus longtemps continuent à avoir une durée d'usage qui est exactement la même parce que plus on augmente la capacité des batteries, finalement plus on augmente les usages qu'on en fait. Tout à fait, effectivement, c'est un des exemples qui est pris très souvent pour illustrer l'effet rebond dont parlait Jean-Marc Jancovici, qui disait qu'effectivement, plus on améliore l'efficacité avec laquelle on utilise une ressource, et plus on produit d'objets qui utilisent cette ressource, et donc plus la consommation de cette ressource augmente. Et en effet, un des exemples phares, c'est la capacité des batteries sur les smartphones qui a augmenté de 50% en 5 ans. Pourtant, la fréquence avec laquelle on doit les recharger n'a pas changé du tout, car les applications et les fonctionnalités qu'on utilise sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus gourmandes en énergie. Donc effectivement, on a accru la capacité de ces batteries, et pourtant on n'en voit pas de gain sur le temps de recharge parce que nos applications ont suivi cette inflation des capacités. C'est ce que vous qualifiez, Jean-Marc Jancovici, d'obésité numérique. On va revenir un peu peut-être sur, parce que ça a été abordé par votre collègue dans le reportage, comment est-ce qu'on peut quantifier l'augmentation de la consommation énergétique du numérique ces dernières années? On est dans un univers, on en parlait hier ici encore, où on tente de réduire notre consommation énergétique, où la consommation énergétique au niveau global tend vers une stabilisation, voire une légère baisse. Or, dans le numérique, c'est l'exact inverse. On est à contre-temps. Oui, alors on peut le... Un premier indicateur, vous savez, souvent, quand on regarde l'efficacité d'une activité, il y a un indicateur que dans le monde économique, on aime bien manier, qui est l'efficacité énergétique de l'économie. C'est-à-dire combien vous avez besoin d'utiliser d'énergie pour faire un dollar ou un euro de valeur ajoutée. Et alors, dans beaucoup d'activités, ça a plutôt tendance à baisser. C'est-à-dire que si vous prenez l'économie dans son ensemble, cet indicateur s'améliore de 1% par an, en gros. Et dans le numérique, il se dégrade de 4% par an. C'est-à-dire que chaque année, pour faire un dollar de valeur ajoutée dans le numérique, il faut augmenter la consommation d'énergie de 4%. Bon. Donc effectivement, c'est quelque chose qui, là aussi, a l'air contre-intuitif, parce qu'on se dirait ça c'est pas normal. Mm-hmm. Ça devrait aller dans l'autre sens. La raison à cela, c'est le fait que les gains de productivité en fait qui sont faits par les fabricants de matériel, ils vont moins vite quelque part que l'inflation des usages. Donc c'est toujours pareil. Donc en fait l'ordinateur, il est fabriqué pour beaucoup moins cher, mais la consommation d'énergie qui est nécessaire à la fabrication de l'ordinateur baisse moins vite que le prix de l'ordinateur. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec cet indicateur qui augmente. Anne-Cécile Orgery, peut-être qu'on peut donner quelques chiffres marquants. Hein. C'est tout de suite, quand on commence à regarder les chiffres de l'inflation, du coût énergétique de nos usages numériques, ça devient très très vite vertigineux quand on les met en rapport avec d'autres types de consommation énergétique. Est-ce que vous pouvez nous en donner quelques-uns qui nous permettent d'avoir des ordres de grandeur à l'esprit? Alors effectivement, dans le rapport du Shift Project, ils indiquent que la consommation totale du numérique représente à peu près 14% à l'heure actuelle de la consommation mondiale de l'électricité, dont 50% de cette consommation est due effectivement à la phase de production des équipements, ce qui est assez contre-intuitif à premier abord. C'est-à-dire la fabrication hein, des terminaux, de ce qu'on appelle les terminaux, c'est-à-dire les ordinateurs, les téléphones, etc. Oui, les serveurs, les routeurs, tout est compté dans cette phase de fabrication, effectivement. Quelques satellites. Après, oui, c'est ça. Moins nombreux, mais oui. Effectivement, si on veut des ordres de grandeur, on peut aussi citer les chiffres de l'ADEME de 2017. Ils ont fait un rapport très intéressant sur la face cachée du numérique. Et ils indiquent que, par exemple, une donnée numérique parcourt en moyenne 15 000 kilomètres. C'est-à-dire qu'un mail ou un téléchargement ou une requête web, une vidéo, parcourt sur les réseaux informatiques environ 15 000 km. Donc on s'imagine bien que ces 15 000 km, eh ben, il va falloir de l'énergie pour déplacer ces paquets, ces données numériques d'un point A à un point B. Oui, allez-y, si vous en avez encore un ou deux, Anne-Cécile Rogerie, on fait vraiment une sorte d'état des lieux, donc parce que tout ça, c'est quand même effectivement assez assez parlant. J'en ai quelques autres sous le coude. Par exemple, un mail, on parle souvent des pièces jointes qui consomment de l'énergie. Plus on met de pièces jointes dans les mails, plus ça consomme de l'énergie. Un mail avec une pièce jointe d'un méga, c'est une très petite pièce jointe aujourd'hui comparée à la taille des fichiers, c'est 25 minutes d'une ampoule à 60 watts. On a quelques comparaisons comme ça, Anne-Cécile Rogerie. Oui, c'est ça. On peut prendre aussi l'exemple des box internet, par exemple, en France. C'est à peu près 1% de la consommation française, juste pour les box internet. Et il faut savoir que les box internet sont tout le temps allumées, en fait. Donc, 1% de la consommation française, c'est pas négligeable. Et c'est d'autant plus intéressant qu'elles sont tout le temps allumées pour une raison qui est une très mauvaise raison, c'est-à-dire qu'on pourrait les allumer et les éteindre, on pourrait avoir un usage de les allumer et de les éteindre. Les constructeurs, les opérateurs tendent à nous laisser ces box allumées parce que le temps qu'elles bootent, il faut 1 minute 30, et cette 1 minute 30 avant d'avoir accès au réseau, c'est jugé comme trop long par les opérateurs, Jean-Marc Jancovici. La mienne, elle met pas 1 minute 30 à Peut-être que vous avez une box très très performante. C'est juste que après, vous savez, maintenant, elles sont installées dans un coin, vous faites pas attention quand vous passez, etc. Moi, je voudrais revenir sur un truc que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit, on se rend pas compte de l'énergie qui est consommée par ça. Alors, il y a quand même quelque chose qui est évident, c'est qu'on ne peut pas se rendre compte de quelque chose qu'on ne mesure pas. Quand on parle d'énergie, la majeure partie des gens qui nous écoutent, ils vont penser au moment où ils sont en contact direct avec une consommation d'énergie qu'ils mesurent. Alors, il y a un premier moment où ils sont en contact direct, c'est quand ils reçoivent chez eux une facture pour leur gaz ou leur électricité. Bon, là, ils voient bien des kilowattheures. Enfin, si vous faites attention à la facture, vous voyez des kilowattheures, donc vous comprenez qu'il y a de l'énergie qui est passée. Si vous êtes, un peu plus... Attentif? Un peu plus attentif sur ce sujet-là. Un peu plus sourcilleux. Si vous êtes curieux, on va dire, vous allez vous rendre compte aussi que quand vous passez à la pompe à essence, c'est de l'énergie. D'accord. En général, en France, quand on dit énergie, les gens pensent électricité. Mais le pétrole, c'est de l'énergie aussi. Donc, quand vous passez à la pompe à essence, vous achetez encore en direct de l'énergie. Mais tout ça n'est qu'une partie de l'énergie qui est nécessaire au mode de vie qu'on a aujourd'hui. Une bonne partie de l'énergie, vous l'achetez indirectement quand vous achetez un objet, quand vous achetez une prestation de service. Donc, quand vous achetez un ordinateur, par exemple, vous achetez 2000 kWh. D'accord. Donc vous les avez. On vous a pas facturé des kilowattheures, d'accord. Le distributeur que je ne nommerai pas vous dit pas en pied de facture, ça c'est tant de kilowattheures votre ordinateur. Mais vous les avez bien achetés. Quand vous achetez un litre de pétrole, vous achetez 10 kilowattheures, et quand vous achetez un aller-retour en avion, vous achetez quelques milliers de kilowattheures aussi. Vous en rendez pas compte parce qu'on vous le facture pas comme tel. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup d'objets et de services qui nous entourent aujourd'hui dans la vie courante où on ne se rend pas compte qu'il y a de l'énergie derrière, tout simplement parce que c'est pas mesuré comme tel et on vous donne pas l'information, et c'est pas un truc qui est aussi... Si c'était manié de manière aussi courante que les euros, les gens le comprendraient. Oui, par ailleurs, il y a aussi effectivement un découplage entre nos usages numériques qui ne nous sont pas facturés directement comme de la consommation énergétique. Aujourd'hui, avec il fut un temps où les forfaits étaient contraints, c'est-à-dire qu'on avait une certaine dose de données qu'on pouvait utiliser à partir de laquelle la bande passante était soit diminuée, soit bloquée. Aujourd'hui, la majeure partie des offres Internet sont des offres illimitées, donc on n'a plus du tout conscience de la quantité d'énergie qu'on consomme, Anne-Cécile Rogerie. Oui, tout à fait. Et pour reprendre l'exemple des box, par exemple, une box Internet, ça consomme 10 à 25 watts. C'est-à-dire que si on veut parler en euros, c'est à peu près 10 à 20 euros de consommation annuelle d'électricité. Et effectivement, les fournisseurs d'accès à Internet, c'est des informations qu'ils ne donnent pas du tout à leurs clients. Et puis il y a toute la consommation délocalisée aussi qui est très très difficile à se représenter. Quand je disais par exemple une pièce jointe d'un méga, ça consomme tant d'énergie, cette énergie elle n'est pas localisée dans notre environnement direct, donc on a du mal à comprendre ces 15 000 km de déplacement, on a du mal à se figurer, à envisager l'ensemble justement de l'énergie qui est contenue dans nos pratiques, dans nos usages numériques usuels, Anne-Cécile Rogerie. Tout à fait. Effectivement, le mail, quand il part de notre équipement, qu'il soit téléphone, ordinateur portable ou ordinateur fixe, il emprunte le chemin des réseaux de télécommunications. Il arrive jusqu'au centre de calcul de notre messagerie. Il est traité à cet endroit-là et puis réorienté sur un autre réseau pour accéder au centre de calcul du destinataire, de la messagerie du destinataire, avant d'être réacheminé vers le destinataire. Et pour que ce soit plus pratique, effectivement, ce mail est stocké plusieurs fois, donc, et il est stocké pour qu'il puisse être accessible depuis n'importe quel terminal de l'utilisateur. Donc tous ces mails que la plupart du temps on ne supprime pas, ils restent dans des serveurs qui sont allumés en permanence et qui consomment donc en permanence pour être accessibles à tout instant par n'importe quel terminal de l'utilisateur. Et donc ça, c'est une facture cachée énergétique très importante. Est-ce qu'on peut peut-être revenir, oui, Jean-Marc Jancovici, peut-être revenir aussi, parce que vous avez dans votre rapport, vous avez établi un petit graphique de la distribution de la consommation énergétique, qu'on se rende bien compte, hein, on a dit 50% de production, 50% d'utilisation. Aujourd'hui, quels sont les principaux postes d'utilisation de consommation énergétique du numérique? Alors si on regarde sur la partie production, sur l'ensemble du système, mondial, hein, vous avez en gros 20% pour les ordinateurs, 10% pour les smartphones sur la partie totale, et puis vous avez 10% pour les télés aussi. Oui, c'est ça, 10% pour les télés, et puis vous avez encore 10% pour les serveurs. Ça c'est côté 20% pour les serveurs, hein, 20% pour les terminaux, enfin pour tous les terminaux. Pour la, ça, vous, attendez, ah non, c'est le terminaux, c'est l'utilisation. Excuse-moi. Non, oui, non, on est d'accord. Pour, hein, pour la production. Pour, ouais. Et puis de l'autre côté, par contre, c'est 20% effectivement pour les serveurs en ce qui concerne la consommation, et puis vous avez 30% qui sont dispatchés partout ailleurs. Mais au niveau d'un utilisateur, je vais revenir à ce que disait Hugues tout à l'heure, au niveau d'un utilisateur particulier, l'économie d'énergie principale, elle se fait en n'achetant pas. Il faut bien comprendre ça. Je le redis, l'ordinateur portable qui me sert pour mon travail, sa consommation annuelle, c'est de l'ordre de 40 kWh. Son énergie de fabrication, c'est de l'ordre de 2000. D'accord. 2000 pour la fabrication, 40 par an. Donc, ce qu'il va consommer par an, je m'en fous, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de le renouveler le moins souvent possible et de l'acheter le plus petit possible. Voilà, et pour la télé, c'est exactement pareil. Le sujet, c'est de la renouveler le moins souvent possible et de l'acheter la plus petite possible et d'en acheter le moins possible s'il y en a, pour pas qu'il y en ait partout dans la maison. C'est vraiment ça, la sobriété numérique. Après, au niveau des usages, on en a parlé tout à l'heure, 80% des usages, c'est de la vidéo. Et en fait, quand vous regardez Netflix, par exemple, Netflix consomme dans le monde entre 10 et 15% de la bande passante totale d'Internet. D'accord. Donc la totalité du réseau mondial, entre 10 et 15% de sa bande passante, est utilisée juste par Netflix. Ce qui veut dire que Netflix a à peu près l'empreinte carbone du plus gros cimentier mondial. C'est à peu près pareil. Donc là, c'est pareil. Je ne sais pas s'il faut s'abonner à Netflix. Moi, je ne veux pas te faire publicité pour ou contre, mais il faut savoir que ce genre d'usage fait partie de ce qui oblige par ailleurs à aller creuser des trous dans la terre, faire tourner des usines et mettre du CO2 dans l'atmosphère. Oui, parce que là, on parle, à Anne-Cécile Orgery, on parle de la consommation énergétique. Il faudrait parler au sens large de la facture environnementale. Parce que quand Jean-Marc Jancovici dit effectivement l'ordinateur qui ne consomme pas, c'est celui qu'on n'achète pas, aujourd'hui, la moitié, on le redit, la moitié de la dépense énergétique, elle est du côté de la production, mais la moitié aussi de la facture environnementale, c'est-à-dire de l'utilisation des métaux rares, de toute l'énergie qui est dépensée pour aller miner, tout ça, aussi c'est très contre-intuitif de l'imaginer. Tout à fait. Par exemple, les chiffres de l'ADEME de 2017 indiquent que pour fabriquer un ordinateur portable, donc un ordinateur classique, il faut à peu près 240 kg de combustible fossile, 22 kg de produits chimiques et 1,5 tonne d'eau. Donc effectivement, il y a besoin de beaucoup de ressources simplement pour fabriquer ces équipements. Et la sobriété numérique qui nous incite à moins en consommer permettrait de réduire significativement cet impact. Alors, on pourrait accumuler tous ces chiffres-là. On vous a mis sur le fil Twitter de l'émission. Vous pouvez aller consommer un peu d'énergie pour regarder ces schémas et pour avoir quelques-uns de ces chiffres. On peut dire, par exemple, que le trafic de données augmente de 25% par an. C'est colossal, 25% oui. De trafic de données par an, Jean-Marc Jancovici. Alors, il y a un dirigeant d'une banque qui m'a dit un jour que pour faire 1 euro de valeur ajoutée dans sa banque, chaque année, il fallait qu'il fasse transiter 30% de données en plus. Donc effectivement, les chiffres, enfin les pourcentages d'augmentation dans ce domaine-là, en termes de volume de données qui circulent sur les réseaux, c'est toujours des pourcentages à 2 chiffres, où vous soyez dans le monde. Et en Afrique, ça peut aller au-delà de 50% par an. Bon. Donc on est sur des rythmes d'augmentation qui sont absolument considérables et qui ne vont pas durer pour l'éternité. Oui, on le disait tout à l'heure, hein, la consommation d'énergie du numérique augmente en moyenne de près de 10% chaque année, donc ça veut dire que c'est doublé en 8 ans à peu près. Oui, aujourd'hui, l'énergie, c'est à peu près 3% de l'énergie mondiale, donc production plus utilisation. Ce n'est pas que de l'électricité. Parce que par exemple, pour faire un ordinateur, il faut 200 grammes de cuivre. Quand vous faites ces 200 grammes de cuivre, vous ne les faites pas que avec de l'électricité. Vous avez du raffinage des métaux, et ça c'est de la chaleur. Vous avez un peu d'acier, l'acier il n'est pas fait que avec de l'électricité, etc. Donc vous avez plein d'autres formes d'énergie qui sont utilisées. Les composants sont transportés avec des bateaux, des avions, des camions, ça c'est du pétrole. Hein, donc tout ça est dans le 3% de l'énergie mondiale. Et ça fait 4% des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. D'accord. Les émissions de la France, c'est de l'ordre de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc le numérique, c'est 4 fois la France dans le monde aujourd'hui. Et ça augmente de 10% par an. Il n'y a pas de secteur qui augmente aussi vite dans le monde. Et puis on peut, pour conclure ce tour d'horizon, parce qu'on pourrait y passer l'heure, mais on va essayer de penser à l'autre face, c'est-à-dire celle de la sobriété numérique et de comment faire pour réduire cette facture-là. Anne-Cécile Orgery, évidemment l'électricité dont on parle, l'électricité qui est consommée par le numérique, elle dépend de la façon, sa facture environnementale dépend de la façon dont elle est produite. Donc on peut dire que cette électricité pour les data centers, par exemple pour les centres de données qui sont pour la majeure partie hébergés soit aux États-Unis soit en Chine, c'est directement du charbon. Alors très souvent effectivement, et c'est vrai qu'il y a tout un mouvement maintenant qui a été identifié par Greenpeace, notamment dans un rapport récent Clicking Green, où les fabricants et les exploitants de centres de données essayent de plus en plus d'intégrer des énergies renouvelables dans la phase de consommation énergétique de leurs centres de calcul. Mais c'est vrai qu'en grande partie encore, ce mouvement n'a pas touché tout le monde, et donc essentiellement c'est du charbon pour l'heure actuelle. Jean-Marc Jancovici, vous leviez les sourcils, vous n'aviez pas l'air d'être tout à fait d'accord sur cette analyse de charbon. Je parlais des centres de données. Hein. Alors en fait, en Chine, 80% de la production électrique, c'est du charbon. Aux États-Unis, j'étais en train d'essayer de regarder les chiffres là, de mémoire, aujourd'hui c'est 30 ou 35%. Je pense à la Caroline du Nord qui héberge beaucoup de data centers. Alors et qui la Caroline du Nord, travaille aux centrales au charbon beaucoup. Mais la Caroline du Nord en particulier, je ne sais pas, parce qu'effectivement les États-Unis ont la particularité de ne pas avoir un réseau électrique qui couvre l'ensemble du pays. Ils ont tout un tas de réseaux régionaux. En ce qui concerne la Chine, c'est 80% de charbon, ça c'est sûr. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, nous parlons aujourd'hui de la consommation électrique, la consommation énergétique, surtout du numérique tout au long de cette heure. Nous en parlons avec Anne-Cécile Orgery qui est en duplex avec nous depuis les studios de nos camarades de France Bleu Armorique à Rennes. Anne-Cécile Orgery qui est chercheuse CNRS en informatique à l'IRISA, qui est l'Institut de Recherche en Informatique et en Systèmes Aléatoires. Et avec Jean-Marc Jancovici qui est président du conseil d'administration du think tank de Shift Project. Alors, dans quelques instants, nous allons entendre, comme tous les mercredis, notre doctorante de la semaine qui va venir nous présenter ses travaux de recherche. Mais avant cela, on parlait justement de la façon dont les GAFAM peuvent, ou en tout cas certaines entreprises, cherchent à tirer profit d'une certaine forme de consommation d'énergie et surtout de transformation de l'énergie ou de l'électricité en chaleur. C'est pour ça que on a retrouvé ce reportage, qui est un reportage qui date de 2016. Qui était diffusé dans Interception sur France Inter, et vous allez l'entendre, les data centers, ben ça peut aussi servir à chauffer. This one looks like a regular data center. Ici, c'est un centre de données de taille moyenne. Sa puissance est de 84 kW. Et vous pouvez le voir, là, on a utilisé jusqu'à présent 176 000 kWh depuis la mise en route de l'installation. Ça représente l'équivalent d'une vingtaine de saunas. Torbjörn Minde est à la tête de cet institut de recherche. Cet appareil est utilisé comme ordinateur, mais aussi comme modèle test. C'est plein de capteurs. Vous voyez, là, sur la façade, il y a plein de capteurs qui mesurent le débit d'air, la température, le taux d'hygrométrie. Et on fait ces relevés sur tous nos équipements. On récolte toutes ces informations pour en tirer des modèles, des simulations, pour développer nos algorithmes, pour tester. Nous menons un projet en collaboration avec l'université pour réutiliser l'air chaud dans des serres. Il s'agit de récupérer l'air chauffé par le centre de données, d'en contrôler la température pour l'injecter dans des serres où l'on fait pousser des légumes ou des champignons, par exemple. Voilà, au rang des solutions, alors on parlera tout à l'heure de la sobriété numérique, mais cette réutilisation finalement de la chaleur produite par les serveurs, par les processeurs, est-ce que c'est une solution pérenne? Elle a été adoptée de plus en plus, alors pas uniquement pour des raisons philanthropiques, hein, mais pour des raisons notamment économiques, Jean-Marc Jancovici. Sur l'utilisation des serveurs pour produire du chauffage, de l'énergie de chauffage, c'est totalement anecdotique pour vous? Raisonnablement. Anne-Cécile Orgerie. Je suis assez d'accord, effectivement. Ça peut marcher que dans des conditions très particulières, où on a des pièces à chauffer qui sont très proches des centres de calcul, et où finalement on n'exploite pas le fait que refroidir au plus près du processeur ou utiliser autre chose que l'air pour refroidir, c'est beaucoup plus efficace. Donc par exemple des refroidissements à eau qui sont beaucoup plus efficaces en termes de consommation énergétique que des refroidissements à air. Il y a néanmoins, on le disait tout à l'heure, certains GAFAM qui aujourd'hui, pour essayer de limiter, on parlait des data centers, l'un des postes de consommation énergétique principaux des data centers, c'est le refroidissement justement des serveurs pour éviter les surchauffes. Certains d'entre eux ont pris une décision qui est d'aller installer leur data center très au nord ou très au sud pour essayer de profiter du froid atmosphérique naturel. C'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée, Jean-Marc Jancovici? Alors dans les data centers les plus performants aujourd'hui, l'énergie qui sert à alimenter le data center proprement dit, donc les ordinateurs, c'est de l'ordre de 90% de l'énergie totale consommée par le data center, c'est-à-dire en rajoutant en particulier l'énergie de, j'ai envie de dire, de confort thermique de l'ordinateur. C'est-à-dire ce qui fait qu'il chauffe pas trop. C'est la raison pour laquelle on a besoin de refroidir les data centers, enfin de les climatiser. C'est parce que l'électronique a des plages de température de fonctionnement qui sont assez précises. Et plus vous miniaturisez les équipements, et plus ça chauffe. C'est-à-dire plus il va y avoir du courant important qui va passer par unité de surface, et à ce moment vous avez besoin de le refroidir. Et donc il y a un coefficient que surveillent beaucoup les exploitants de data centers qui s'appelle le PUE dans leur jargon, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, mais je sais que c'est le rapport entre l'énergie totale absorbée par le data center et l'énergie qui simplement fait tourner les ordinateurs. Et aujourd'hui les plus performants ils sont à 1,1 ou 1,08, donc ils ont déjà fait énormément de progrès sur le fait que l'essentiel de l'électricité consommée sert bien à faire tourner des machines et sert pas à autre chose, donc en utilisant de la climatisation naturelle, le fait d'aller se mettre dans des endroits où il fait frais, etc. Il y a même des gens qui envisagent de mettre ça sous l'eau. Voilà. Mais en contribuant de cette façon aussi à un réchauffement très localisé, mais un réchauffement tout de même de l'atmosphère ou de la... Oui. Le PUE, juste, c'est Power Usage Effectiveness, hein, pour voilà. Indicateur d'efficacité énergétique, pour avoir... voilà. Anne-Cécile Orgerie, sur ce choix de délocaliser, c'est-à-dire d'utiliser le refroidissement atmosphérique ou en tout cas climatique pour comme source de refroidissement naturel, c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors, c'est ce qu'on appelle le free cooling, donc utiliser l'air frais extérieur. Et c'est possible, en fait, pas que dans les, suivant la taille du centre de calcul, c'est possible aussi en France. Par exemple, on a un centre de calcul universitaire qui est alimenté comme, qui est refroidi comme ça à Grenoble, alors que c'est pas une ville très au nord. Et pourtant, 90% de l'année, du temps dans l'année, ça suffit pour refroidir le petit centre de calcul qu'on a là-bas. Donc effectivement, utiliser du free cooling ou utiliser ce que fait Google actuellement pour obtenir des PUE de l'ordre de 1.11, 1.08, c'est d'utiliser de l'eau de mer, par exemple, qui est déjà rafraîchie et qu'ils font passer par des gros tuyaux à l'intérieur de leur centre de calcul qui vont au plus près dans les serveurs des processeurs qui fabriquent cette énergie pour refroidir au plus près de la source de chaleur et donc ainsi gagner en efficacité. Et à 16h40, comme tous les mercredis, c'est l'heure de donner la parole au futur de la recherche scientifique. Hein. Un étudiant en doctorat vient nous présenter ses travaux de recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Léa Bayati. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes doctorante au laboratoire d'algorithmique de complexité et de logique à l'université Paris-Est Créteil. Vous travaillez sur l'analyse et l'optimisation de la consommation énergétique dans les centres de calcul. C'est à vous. Oui, bonjour, merci pour votre invitation et votre présentation. En fait, dans ma thèse, moi je travaille sur le sujet d'optimisation d'énergie dans les data centers. Comme on sait, les serveurs doivent être toujours en marche pour garantir la qualité de service offert par le data center. Mais sûrement, on aura une consommation d'énergie inutile s'il y a peu de requêtes à traiter. Cependant, si on commence à éteindre les serveurs dans un centre de données ou data center, sans une politique qui considère la qualité de service, forcément, on risque de perdre des clients. Donc, notre défi est comment on peut obtenir un compromis entre la qualité de service et la consommation d'énergie dans le centre de données. Pour trouver la politique optimale qui nous assure ce compromis, je formulais le problème d'optimisation à l'aide d'une méthode d'optimisation qu'on appelle Markov Decision Process, en abrégé MDP. D'abord, je me suis intéressée à la modélisation de la gestion dynamique et de l'énergie pour un cloud homogène, c'est-à-dire tous les serveurs sont identiques au niveau de consommation d'énergie et leur temps de service. Et par la suite, j'ai modélisé, analysé le data center hétérogène. Data center hétérogène, c'est-à-dire on a les différents serveurs au niveau de consommation énergie et différents temps de service. Au passage, justement, je note que dans ces modèles, le trafic entrant est obtenu à partir de traces réelles, des données empiriques ou des mesures expérimentales. Après les modélisations que j'ai effectuées, j'ai montré que les tailles de ces modèles sont très grandes, qui provoquent le problème de l'expulsion d'espace d'état, et en plus, on nécessite un temps de calcul très important pour trouver la politique optimale. Par rapport à ces problèmes que j'ai rencontrés dans les analyses et la modélisation, j'ai commencé à travailler sur un algorithme dynamique et rapide qui doit fonctionner en temps réel avec la capacité de prendre en permanence cette décision complexe, c'est-à-dire de choisir à chaque instant les serveurs qu'on doit laisser allumer ou mettre en veille ou même éteindre. Ça, il faut que ça soit combien. Donc, cette décision complexe nous conduit vers une optimisation efficace pour les deux contraintes, c'est-à-dire réduire d'énergie en même temps, et parallèlement, on garde une bonne qualité de service. Merci beaucoup, Léa Bayati. Une réaction à ces travaux et à la possibilité d'optimiser justement cette consommation énergétique dans les centres de calcul, Jean-Marc Jancovici. Alors, on dépasse de très loin mes compétences. D'une manière, alors s'il y a quand même une accroche entre ce travail et le sujet qui nous concerne, je vais inscrire ça dans quelque chose de plus large, qui est il y a un système asservi dans le monde du numérique, qui est on augmente la taille des équipements ou exactement la puissance des équipements. Du coup, on va chercher à les faire tourner à plein. Là, c'est un peu le travail qui vient d'être exposé. Et donc, à chaque fois que les performances des équipements augmentent, les fabricants, les éditeurs de logiciels vont chercher à faire des logiciels qui vont à la capacité maximale des équipements qui arrivent sur le marché. On appelle les obésiciels. Voilà. Et du coup, les gens qui avaient des équipements de la génération précédente ne peuvent plus suivre. Et puis en plus, on se débrouille en général pour vous coller des mises à jour alors que vous ne les aviez pas demandé. Et vous vous retrouvez dans l'obligation d'acheter le nouveau matériel qui vient de sortir parce que l'ancien ne peut plus suivre. Donc, alors je ne dis pas que ma voisine de droite est machiavélique, mais il y a un vrai sujet. Ces travaux ne portent pas du tout sur ce type de. Sur non, ce mais type on m'a demandé une réaction, donc j'essaie de le raccrocher à une préoccupation plus générale, qui est finalement où est la poule et où est l'œuf entre j'essaye d'optimiser quelque chose que j'ai, ou bien une fois que j'ai optimisé, quelque part, je vais essayer de l'appliquer à tout ce qui existe partout et du coup créer justement à cause de ça une forme d'inflation des usages. Anne-Cécile Orgery, sur les différentes manières qu'il peut y avoir d'optimiser justement la consommation des data centers, ces data centers dont on a dit hein, qu'ils tournaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour là aussi peut-être des mauvaises raisons, parce qu'il y a évidemment des heures de creux, même si au niveau mondial elles sont moins évidentes, mais il y a tout de même par des grandes zones géographiques des heures de creux de consommation. Tout à fait. Effectivement, si on regarde, par exemple, le trafic échangé entre réseaux et entre fournisseurs d'accès à Internet, un des plus gros points se trouve à Amsterdam. Et on peut consulter en ligne le trafic échangé à Amsterdam entre ces réseaux. Et on voit qu'entre le point le plus bas qui se trouve la nuit et le point le plus haut, on a un facteur 3 à peu près. Donc effectivement, il y a des périodes où Internet est plus silencieux qu'à d'autres moments. Et cette disponibilité H24, 7 jours sur 7, des centres de calcul, fait que les fournisseurs de services sont frileux à l'idée, par exemple, d'éteindre les serveurs, comme le suggérait Léa Abayati. Et pourtant, ce serait très bénéfique, parce que comme la plupart des équipements du numérique, les serveurs ne sont pas proportionnels en énergie. C'est-à-dire que lorsqu'ils ne font rien, ils peuvent consommer jusqu'à 50% de leur consommation maximale. C'est-à-dire, par exemple, un serveur typique d'un centre de calcul peut consommer 100 watts à ne rien faire, juste à être allumé, à attendre d'avoir des requêtes à traiter. Alors que lorsqu'il va être chargé à plein, il va consommer 200 watts à peu près. Donc cette différence entre la consommation à ne rien faire et la consommation maximale n'est pas si grande que ça, et éteindre ce serveur lorsqu'il ne fait rien et faire des politiques de réordonnancement des tâches comme ce que proposait Léa Abayati serait très bénéfique. Léa Abayati, vous confirmez ? Ah oui. peut-être un mot, j'aimerais, il nous reste un petit quart d'heure. Alors, il y a évidemment différents niveaux d'intervention. Il y a des niveaux d'intervention que l'on peut évoquer au niveau qu'on évoquera certainement au niveau des entreprises et pourquoi pas d'ailleurs au niveau des pouvoirs publics. J'aimerais qu'on puisse parler peut-être des niveaux d'intervention au niveau individuel parce que c'est un peu le sens de l'appel de ce rapport que vous venez de publier à travers votre think tank, Jean-Marc Jancovici, The Shift Project. C'est un appel à la sobriété numérique. Aujourd'hui, pour nous tous qui écoutons, qui avons des usages classiques et pas démesurés du réseau et du numérique, est-ce qu'il y a vraiment des choses que nous puissions faire au niveau individuel et qui se traduisent par une réduction effective de notre consommation énergétique ? Pardonnez-moi d'être taquin, mais la réponse est dans la question. Parce que si vous me dites, à partir du moment où je suis raisonnable, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire ? Je vais vous dire non, mais sauf que vous n'êtes pas raisonnable. Nous ne sommes pas raisonnables, c'est justement ça le sujet. Quand vous regardez une vidéo dans le métro, vous n'êtes pas raisonnable au regard de ce qu'il faudrait faire pour être raisonnable. Quand vous recevez la télé par fibre ou par câble, au lieu de la recevoir par voie hertzienne, nous ne sommes collectivement pas raisonnables, parce qu'on a considérablement augmenté les débits sur des réseaux, alors qu'avant, la télé hertzienne, c'était beaucoup plus économe et beaucoup plus sobre que la télévision c'est du point à point. La télévision sur le câble, alors que la télévision par voie hertzienne, c'est du one to many, donc ça c'est beaucoup plus sobre en termes d'énergie. Oui, mais là c'est une réalité de pratique et de consommation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il est peu vraisemblable qu'on retourne brancher nos antennes sur les toits alors qu'on a de la fibre et qu'on peut recevoir à haute dimension. La bonne question c'est combien de temps ça tient. Parce qu'à partir du moment, vous savez, dans l'ordinateur, encore une fois avec lequel je travaille, il y a 40 métaux différents. Qui est ouvert et qui est en veille depuis le début de cette émission sur la je vous dis, celui-là, il fait 40 kWh par an, il a coûté 2000 kWh à être fabriqué, donc le vrai sujet, c'est que je vais le garder jusqu'au moment où il va casser. Donc j'espère qu'il va casser le plus tard possible, et tant qu'il cassera pas, j'ai pas l'intention de le changer. Bon. Donc alors, ne pas renouveler de manière trop fréquente ces équipements, si on l'a bien compris. Et à chaque fois que le fabricant que je ne nommerai pas me dit « est-ce que vous voulez mettre l'OS à jour ?», je dis « non ». Surtout pas. Je garde celui qui existe. Donc il y a la question, c'est que en fait, quand on dit que le système, il est déjà aujourd'hui excessif, ça revient à dire quelque chose qui est très agréable à entendre, c'est que la normalité aujourd'hui est excessive. C'est ça le problème, c'est que la normalité est déjà excessive. Après, la question, c'est combien de temps ça tient ? Je ne sais pas, mais pas l'éternité. Quand vous regardez aujourd'hui les taux de croissance, encore une fois, de la consommation de ressources de toute nature pour fabriquer les terminaux, et il faut savoir que dans un terminal comme cet ordinateur, vous avez 3 métaux ou 4 métaux qui vont être recyclés quand il arrivera en fin de vie. Vous allez recycler l'or, ce qui vaut le plus cher, parce que vous avez un peu d'or dans l'électronique, parce que c'est un excellent conducteur, et donc pour faire passer des courants un peu importants par des toutes petites pièces, vous avez besoin d'or. Vous avez du cuivre, vous avez de l'argent et vous avez de l'étain. C'est les quatre métaux qu'on s'est récupérés aujourd'hui à peu près dans un ordinateur. Le reste, c'est perdu. C'est, bon. Ce sont les métaux rares. On va vous renvoyer vers l'émission que nous y avions consacrée entièrement. On avait passé une heure à vous expliquer exactement. Enfin, ils sont rares. Ils sont rarement exploités. Surtout, ils sont pas. C'est souvent des coproduits d'une autre exploitation minière. Par exemple, le cobalt, c'est un sous-produit du cuivre ou du nickel. C'est pas que peu de gisements de cobalt pur, etc. Donc, tout ça pour dire que à un moment, on peut substituer dans une certaine mesure. Puis à un moment, on peut plus. Donc, la bonne question, c'est qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, alors qu'on est dans un monde dans lequel on est devenu dépendant d'Internet pour passer un coup de fil, payer ses impôts, prendre un rendez-vous chez le médecin, etc. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on commence à avoir un problème de pénurie physique pour continuer à avoir les milliards ou dizaines de milliards de terminaux connectés qu'on a l'intention d'avoir autour de nous pour que la vie fonctionne normalement? Et ça, c'est une question sur laquelle il y a peu de gens qui se penchent. Et j'en reviens à ce que je disais, la normalité aujourd'hui, le fonctionnement, la consommation de numérique de tout un chacun aujourd'hui, justement, n'est plus dans la normalité. Mmh. Mais alors, dans la consommation, on va dire, non pas normale, mais usuelle, si vous m'acceptez ce changement de terminologie, Anne-Cécile Orgery, est-ce qu'il y a des choses que nous, citoyens, puissions faire à titre individuel pour réduire un peu, si nous le faisons chacun et si chaque personne qui écoute la méthode scientifique le fait, on pourra peut-être avoir un petit effet et au fur et à mesure s'habituer, se déshabituer peut-être à une consommation qui est devenue, une consommation normale qui est devenue excessive, comme vient de le dire Jean-Marc Jancovici. Oui, alors une des premières pistes, on l'a évoqué au tout début de l'émission, hein, c'est allonger la durée de vie des équipements pour ne pas en produire de supplémentaires. Utiliser des modes veille profonds, éteindre les équipements lorsqu'on ne les utilise pas. Les box internet peuvent être éteintes par exemple. Et ensuite, donc ne pas multiplier les équipements gadgets qui ont plusieurs fois les mêmes fonctionnalités. Mmh. Un foyer de 4 personnes à 5... J'ajoute une petite information comme ça en passant. Un foyer de 4 personnes a aujourd'hui 5 fois plus d'équipements numériques connectés qu'il y a 10 ans. Ce qui est quand tout même à fait. Beaucoup. Voilà. Et peut-être dans l'usage du numérique, faire du tri, effacer toute notre empreinte numérique qui est, comme on le disait tout à l'heure, dématérialisée, virtualisée dans le nuage, dans le cloud. Faire du tri dans ses mails, ses vidéos pour réduire l'espace nécessaire de stockage à tout ça. Et ça passe aussi par une éducation en fait à comprendre comment ce système fonctionne et que peut-être que c'est gratuit, peut-être que on n'arrive pas à mesurer cette consommation chez soi, mais qu'elle est induite par notre usage d'utilisateur. C'est-à-dire que, en fait, par exemple, des choses très très pratiques, on en parlait justement dans l'équipe de la méthode scientifique, des choses qu'on ne fait pas mais auxquelles on ne pense pas, vider sa boîte message envoyée qui ne sert à rien parce que c'est des centaines, parfois des milliers de messages qui sont là et qui prennent de la place sur des serveurs. C'est éviter de regarder trop de vidéos de chats, par exemple, ça ne sert pas à grand-chose, ça consomme de l'énergie dans le marie comme ici. Je sais pas, est-ce que ces petits trucs pratiques, ça peut avoir un effet ou est-ce que c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan numérique? Alors, au niveau d'un particulier, les deux grandes marges de manœuvre, je dis, la première qui passe avant le reste, c'est des équipements les plus petits possibles, en le moins possible et le moins souvent possible. Et le moins souvent possible. Mmh. Voilà. Et après, une fois qu'on les a, les usages qui sont très gourmands, effectivement, c'est les usages de consultation de la vidéo et de stockage de vidéo. Donc, en gros, il faut essayer de pas regarder la vidéo, ou de la regarder le moins souvent possible. Il faut éviter de garder stocké, en particulier pour tous les gens qui ont des messageries en ligne. Bon, moi, il se trouve que j'ai une messagerie où les messages sont stockés sur mon ordinateur. Donc, ils sont supprimés du serveur quand je les récupère. Mais vous avez plein de gens qui ont Gmail, pour ne pas les nommer, qui gardent leur messages. Et ils gardent des années de pièces jointes. Et en fait, c'est ça qui représente le gros du volume de stockage. C'est pas le message d'accompagnement, c'est toutes les pièces jointes. Les pièces jointes, une fois que vous les avez mises sur votre ordinateur, vous pouvez les supprimer du serveur. Ça mange pas de pain, ça ne vous supprime aucune qualité de service, et par contre, ça supprime de l'espace de stockage. Donc voilà, donc faire le tri dans vos mails, c'est déjà un premier geste pour réduire votre empreinte énergétique numérique. Est-ce que aujourd'hui, ça c'est au niveau individuel, est-ce que aujourd'hui il y a un changement paradigmatique qui est en cours de la part des grands acteurs du numérique qui sont plus sensibles à ça? Encore une fois, peut-être pas pour des raisons philanthropiques, mais pour des raisons économiques, parce que la place de stockage, l'énergie, ça coûte cher et ça coûte de plus en plus cher, Jean-Marc Jancovici. Alors si vous faites une typologie, à qui peut profiter le crime? Les fabricants de matériel n'ont aucun intérêt à nous pousser à la sobriété numérique. Parce que plus vous renouvelez souvent votre ordinateur, plus vous achetez des équipements performants et plus ils font d'argent. Donc, dans les GAFA, ceux qui sont du côté de la fabrication du matériel n'ont strictement aucun intérêt à nous pousser à la sobriété. Par contre, ceux qui sont dans le service j'ai envie de dire, ils sont de l'autre côté de la barrière. Si je prends un opérateur de télécom, s'il peut vous vendre un abonnement à 30 euros par mois où vous allez consommer 500 mégaoctets de données, il préférera à vous vendre le même abonnement à 30 euros par mois où il vous en colle pour 50 gigas. Parce que du coup, ses charges à lui, le chiffre d'affaires des fournisseurs d'équipement, ça devient ses charges à lui. Donc l'opérateur télécom est dans une moindre mesure un certain nombre de prestataires de services. Eux, ils peuvent avoir un intérêt à être de l'autre côté de la barrière, tout simplement parce que ça diminue leurs charges. Et les pouvoirs publics, Anne-Cécile Orgerie, est-ce qu'ils ont la main mise là-dessus ou est-ce qu'ils sont complètement désarmés, étant donné que la plupart de ce que les acteurs que nous sommes en train de décrire sont tous quasiment à 99% dans le domaine privé? Effectivement, les acteurs sont potentiellement dans le domaine privé, voire non français en fait. Quand on accède à des vidéos Google par exemple, YouTube, etc., elles ne sont pas localisées en France. Les centres de calcul et l'énergie qu'on consomme n'est pas localisée en France. Donc effectivement, c'est compliqué dans un monde mondialisé comme celui-là d'avoir des politiques très strictes en termes d'efficacité énergétique des services rendus sur Internet. Après, ça n'empêche pas d'avoir des politiques fortes là-dessus, notamment en termes d'achat public, par exemple. Oui, Jean-Marc Jancovici. Oui, je voudrais faire une autre remarque, enfin deux autres remarques. Les pouvoirs publics, à mon avis, notre ami Rennes me corrigera, mais je pense juste qu'ils ne sont pas conscients du tout du sujet. C'est-à-dire qu'ils ne voient absolument pas le lien entre la numérisation et la question du changement climatique ou la question de la consommation des ressources. On peut imaginer quand même que la politique énergétique, ça parle un peu en termes d'argent, d'investissement, de qualité de l'électricité produite. Je crois qu'on a un secrétaire d'État au numérique dans ce pays. Je serais extrêmement étonné, je ne sais même pas qui c'est en ce moment, qu'il ou elle... Mounir Majoubi, normalement. Comme ça change beaucoup, ça change souvent en ce moment, les ministres. Ça vient de changer. Si on doit se souvenir de tous tout le temps, on ne s'en sort plus. Bon. Bref. Je serais extrêmement étonné que le sujet qu'on vient de traiter dans notre rapport fasse partie de ses priorités dans son agenda. C'est, à mon avis, si vous lui posez une question à brûle pour point comme ça, il vous demandera de quoi vous parlez. Bon. Il faut bien voir que le numérique est vu comme la voie du progrès. Donc je redis ce que j'ai dit au début de cette émission, si ça a des inconvénients environnementaux, ça ne peut pas être vu comme la voie du progrès. Donc vous avez aussi un truc que moi je constate, sauf que moi aussi je suis ingénieur télécom de formation, dans ce domaine-là, vous avez quand même une propension au déni qui est très forte, c'est-à-dire qu'on a tellement vu la numérisation comme quelque chose qui allait faciliter la vie de tout le monde, rendre tout extraordinairement performant, etc., qu'aujourd'hui tenir un discours qui consisterait à dire « Ah, vous savez, ça n'a pas que des avantages », et pas juste pour des raisons de domination américaine, pour des raisons intrinsèques liées à la technologie, c'est quelque chose que beaucoup d'acteurs du domaine ont pas... Ils ne sont pas pressés qu'on ait la discussion. Mais écoutez, on essaiera un jour peut-être d'inviter le secrétaire d'État au numérique et de parler avec lui de ces problèmes de consommation énergétique. En tout cas, ça a beaucoup intéressé nos auditeurs sur Twitter qui ont eux aussi, à leur manière, certains conseils à donner. Il y en a qui proposent de travailler sur le code pour avoir des programmes qui sont moins gourmands en énergie. D'autres qui disent qu'il faut changer de système d'exploitation et notamment passer sous Linux parce que ça permet aux machines de tenir tout longtemps. Et puis, il y a un internaute qui est très intéressé sur l'idée que peut-être l'impact de la pornographie est plus important que celui des vidéos de chats. Ce sera l'objet d'une prochaine émission. Nous n'en débattrons pas aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Merci Jean-Marc Jancovici, merci Anne-Cécile Orgerie, merci Léa Bayati d'être venue. Merci également à nos camarades de France Bleu Armorique à Rennes pour le duplex. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette-Saint-Vulfran, Tom Humdensock, Céline Lezen, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Olivier Bétard à la réalisation, Alice Seyed à la technique. En un mot, dans le prochain épisode de la méthode scientifique, c'est-à-dire demain, nous évoquerons le mal qui ronge la psychiatrie hospitalière française depuis des années, voire des décennies. Pourquoi la psychiatrie est-elle à ce point le parent pauvre de la santé publique en France? On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.